traverser des océans de sable quand les vents soufflaient à l'envers. De tous mes rêves inépuisables, comme des mirages dans le désert. Le silence me rendait coupable d'être si seule avec moi-même. J'en aurais tutoyé les diables, vendu mon âme pour un je t'aime. Pour un je t'aime, à n'importe où, un rendez-vous avec nous-mêmes à l'extrême. Pour un je t'aime, à n'importe où, je suis prête à tout pour que tu m'aimes. Pour que tu m'aimes. Quand je t'appelais au secours, dans une dernière prière, tu t'endormais au petit jour avec mes rêves sur tes paupières. Mais tu n'entendais que les cris des sirènes qui berçaient ta peau au fil de chacune de tes nuits. Disparaissait à demi-mot. Pour un je t'aime, à n'importe où, un rendez-vous avec nous-mêmes à l'extrême. Pour un je t'aime, à n'importe où, je suis prête à tout pour que tu m'aimes. Pour que tu m'aimes. Pour un je t'aime, rien que nous, rien que de fous qui s'aiment à l'extrême. Pour un je t'aime, à n'importe où, je suis prête à tout pour que tu m'aimes, pour que tu m'aimes.